comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 20e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone et il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine. Alors qu'on était rendu la semaine dernière au cœur du 8e chapitre de notre histoire de Chine à dos de tortue. Chapitre qui porte sur la présence des Occidentaux en Chine, de Marco Polo à Matteo Ricci. Mais avant d'y arriver, parlant d'Occidentaux en Chine, on doit bien sûr parler du récent séjour du premier ministre Carney en Chine, du 14 au 17 janvier, séjour au cours duquel le premier ministre canadien a rencontré son homologue Li Qiang, en plus du numéro 3 de la hiérarchie politique Zhao Leqi, pour finalement rencontrer le président chinois Xi Jinping le 16 janvier dernier. Cette rencontre a amené à la signature de nombreuses ententes entre les membres des différentes délégations, aboutissant à la signature d'une déclaration conjointe, confirmant la volonté de coopération entre les deux pays, et ce, sur de nombreux thèmes. C'est un événement dont on parle beaucoup dans les médias depuis quelques jours, et comme il fallait s'y attendre, pas seulement dans les médias canadiens. Pour cette raison, face à un événement qu'on peut qualifier d'exceptionnel, l'émission d'aujourd'hui y sera entièrement consacrée. En fait, la couverture médiatique globale de l'événement est telle que l'occasion mérite de proposer un bref survol médiatique de cette rencontre en tentant de creuser la question sous l'angle des différentes représentations qu'on peut trouver dans les médias au Canada, en Chine et ailleurs dans le monde au sujet de cette rencontre mémorable. L'occasion est parfaite pour proposer un exercice d'analyse croisée, un peu comme ce qu'on essaie de faire en classe, en mettant à l'avant-plan les fondements de l'analyse critique qu'on tente d'inculquer à nos étudiants. Depuis quelques années, nos sociétés sont devenues de plus en plus critiques à l'égard de ce que nous appelons les médias traditionnels, et on peut même identifier le point de bascule de cette crise de confiance à l'égard des médias. On le sait, le contexte global de la pandémie a aggravé de nombreuses polarisations idéologiques dans les informations qui circulent et qui sont relayées entre les médias qu'on dit « mainstream » et tous les nouveaux médias plus autonomes, dont les podcasts et toutes les radios pirates de ce monde. Le doute critique à l'égard des informations qu'on reçoit est une qualité essentielle qu'il nous faut développer et maintenir dans une société qui se veut démocratique et surtout une société dans laquelle la quantité d'informations accessibles ne cesse d'augmenter à une vitesse qui dépasse nos capacités d'absorption. À cet égard, je partage tout à fait l'idée de celles et ceux qui croient que des auteurs comme Normand Baillargeon devraient faire partie d'un cursus scolaire d'éducation à la pensée critique citoyenne dans nos écoles, et ce, dès le secondaire. Pour ce qui est d'étudier la Chine, que ce soit son actualité récente ou son histoire lointaine, le doute critique à l'égard des informations qu'on reçoit est quelque chose de fondamental, qui fait partie des aptitudes premières qu'on doit développer, si on ne veut pas tomber constamment dans le piège des idéologies conflictuelles croisées. Une des règles essentielles qu'on apprend en histoire, c'est que l'objectivité complète n'existe pas dans les discours et les représentations, ni au Canada, ni en Chine, ni même sur les ondes de cette radio. Il y a toujours des a priori qui guident les propos énoncés. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est un effort pour tendre vers cette objectivité, en ne cachant rien de nos a priori et de nos valeurs, un peu à la manière de ce que nous enseignait l'historien français Henri-Irénée Marou lorsqu'il parlait de l'objectivité historique. Mais avant de voir plus en détail ce qu'on a pu retrouver cette semaine dans les différents médias au sujet de cette rencontre, on va tout de suite se mettre en appétit avec un peu de musique. Et pour donner le ton à cette rencontre mémorable qui de mieux placé que l'unique Tsui Tien? La pièce que je vous propose pour commencer cette émission, c'est une chanson qui s'intitule « Yikwai Hongpu », ce qui signifie « un morceau de tissu rouge ». La chanson débute en disant à peu près « Cette journée-là, tu as pris un morceau de tissu rouge pour couvrir le ciel et couvrir mes yeux. » Et comme le chanteur a pris l'habitude d'interpréter la pièce en se couvrant les yeux d'un morceau de tissu rouge, la symbolique a été renforcée à travers le temps et les interprétations ont varié pour tenter d'en expliquer la signification. Certains y ont vu une métaphore positive de la passion vécue par la jeunesse chinoise dans les années 1980, passion amoureuse qui aveugle parfois, si bien qu'on est prêt à suivre n'importe quel chemin sur lequel nous entraînent les battements de notre cœur. D'autres ont plutôt reconnu dans cette étoffe rouge qui aveugle et qui couvre l'étendue du ciel une métaphore du drapeau rouge de la révolution et de l'aliénation idéologique dans laquelle la jeunesse chinoise a souvent été plongée à travers l'histoire. Que ce morceau de tissu rouge qui nous couvre les yeux soit le symbole d'une passion amoureuse ou d'une censure politique, le rouge est omniprésent en Chine et les membres de la délégation canadienne en auront eu plein les yeux, c'est certain, au cours de leur séjour. C'est à espérer que derrière les portes closes, le premier ministre Carney n'aura pas fait comme le policier interprété par Terence Hill dans le film « Polidioto Superpiu » de 1980, un film qu'on connaît sous le titre « Un drôle de flic ». Les habitués du cinéma de 5 heures de jadis se rappelleront certainement de ce personnage mémorable qui avait des super-pouvoirs mais qui les perdait complètement dès qu'il voyait la couleur rouge. En espérant que ce ne fut pas le cas pour la délégation canadienne qui vient de passer la semaine en Chine, voici donc le père du rock'n'roll chinois, Tsui Tien, avec la pièce « Yikwai Hongpu ». Thank you. Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire. Et comme expliqué en début d'émission, l'émission d'aujourd'hui sera entièrement consacrée aux représentations médiatiques de la visite de Mark Carney en Chine selon différents médias à travers le monde. Puisque cette rencontre a suscité de nombreux commentaires tout au long de la semaine, j'ai choisi de séparer ceux-ci en ordre chronologique afin de faire ressortir les particularités qui ont ressorti à différents moments de la rencontre. Et plus particulièrement, je voudrais surtout illustrer l'expectative qui a été exprimée dans les médias, c'est-à-dire autant les manières de voir que les attentes face à cette rencontre à venir. Évidemment, je n'ai pas fait une revue de presse de tous les médias de la planète, mais il y a tout de même des points de comparaison très intéressants qui ont été trouvés dans différents textes qui méritent d'être soulignés. D'abord, si on prend la journée du départ pour la Chine, soit mardi le 13 en fin de journée, ce qui correspond au mercredi 14 janvier en Chine, n'oublions pas qu'il y a un décalage de 13 heures entre ici et la Chine, on retrouve très peu d'informations concrètes dans les médias chinois. Si on commence avec la télévision nationale chinoise, soit la chaîne CCTV, on n'y trouvait absolument aucune information à ce sujet sur le site Internet et dans le bulletin quotidien des nouvelles qui se tient en début de soirée. Il n'y avait rien non plus au sujet de cette visite dont on ne cesse de parler dans nos médias ici. Évidemment, comme Carney est arrivé en Chine dans la soirée du 14, on peut comprendre que le bulletin de nouvelles n'ait pas fait mention d'un événement à venir. Mais déjà, ça montre un peu que l'importance de la rencontre n'est pas la même pour les deux acteurs en présence. La première nouvelle que nous avons trouvée concernant le départ de Carney se trouvait sur le site Global Times, publié le 14 janvier à 9h45 du matin, heure de Chine, alors qu'on y commentait très brièvement la photo et les propos que Carney avait placés sur le réseau social X, annonçant qu'il espérait développer en Chine une relation pragmatique et constructive. En fait, on retrouve dans les médias officiels une dépêche produite par l'agence de nouvelles Xinhua, publié sur le site xinhuanet.com en date du 14 janvier à 20h26, annonçant la venue du premier ministre canadien pour une visite officielle du 14 au 17 janvier. Le texte est rédigé sur un ton informel et il est relativement bref. On en retrouve des copies pratiquement en fac-similé, publié dans les minutes qui suivent sur d'autres sites officiels du gouvernement chinois, notamment le Zhenmin Zhipao, qu'on traduit par « Quotidien du peuple » ou « People's Daily », ainsi que le Global Times, un quotidien entièrement publié en anglais. Dans les deux cas, le texte a été publié à 20h28. Dans ce texte très bref, on y apprend que cette visite officielle du premier ministre canadien, c'est une première depuis 8 ans, et que les relations entre le Canada et la Chine se sont améliorées depuis 1 an, surtout depuis la brève rencontre entre Xi Jinping et Mark Carney qui s'est tenue à Gyeongju, en Corée du Sud, au mois d'octobre dernier. La rencontre à venir est présentée comme une opportunité visant à améliorer le dialogue et la communication entre les deux pays, augmenter la confiance politique mutuelle, étendre la coopération pragmatique, gérer adéquatement les différences, souligner les préoccupations diverses de chacun et surtout renforcer le momentum actuel visant l'amélioration des relations entre le Canada et la Chine, le tout pour le bénéfice mutuel des populations. Mis à part des généralités et des bons vœux d'intention, on n'y trouve pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais en creusant un peu et en variant les sources d'informations, c'est là que cette visite commence à prendre une signification particulière au sein de la relation entre les deux pays, mais aussi dans le cadre d'une reconfiguration géopolitique globale. Par exemple, on trouve sur le site de la BBC un texte publié le 13 janvier par Nadine Youssef et Laura Biker, dans lequel on y décrit dans le détail la complexité de l'historique des tensions entre les deux pays et la signification de la rencontre à venir pour le Canada. On y fait l'historique des tensions diplomatiques qui ont débuté avec l'arrestation de Meng Wanzhou en décembre 2018, suivie par la détention par la Chine en guise de représailles de deux citoyens canadiens. On y parle aussi des accusations d'ingérence chinoise dans la politique canadienne et des propos du gouvernement canadien datant de 2022 qui qualifiaient la Chine de puissance déstabilisatrice dans la région de l'Asie-Pacifique. Sur le plan des relations commerciales, on y mentionne les vœux énoncés à tout vent par le premier ministre canadien qui cherche à diversifier ses partenaires économiques et ainsi réduire la dépendance de l'économie canadienne à l'égard des États-Unis. Et pour éviter de froisser les dirigeants chinois, on rappelle que deux ministres libéraux qui étaient en voyage à Taïwan ont mis fin à leur séjour plus tôt que prévu afin de ne pas semer de confusion sur la politique étrangère dans le cadre de cette visite diplomatique officielle. Autre fait à noter qui mérite l'attention, l'article se termine en mentionnant que les États-Unis vont surveiller très attentivement ce qui résultera de cette rencontre entre le Canada et la Chine, tout en ajoutant que le Canada a informé les États-Unis de ses intentions. En revenant dans les médias officiels chinois, c'est dans les journaux publiés en anglais comme le Global Times qu'on trouve les détails les plus intéressants qui peuvent nous renseigner sur la signification de cette visite du Canada pour la Chine. Dans un texte publié dans le Global Times le 14 janvier à 23h21, soit peu de temps après l'atterrissage de l'avion de Carney en Chine mercredi soir, Liu Xin propose d'abord une brève revue de presse des médias occidentaux, notant au passage l'article de la BBC dont nous venons de parler, qui présente la quête du premier ministre canadien comme une recherche d'équilibre dans ses relations entre deux grandes puissances. L'auteur cite aussi un article du New York Times dans lequel on mentionnait que le Canada était à la recherche de nouveaux partenaires commerciaux partout sur la planète. Mais au final, le texte de Liu Xin met surtout l'accent sur le fait que le Canada est prisonnier de l'attitude belliqueuse de son voisin, faisant même face à des pressions sécuritaires sans précédent venant des États-Unis. L'auteur décrit donc ce voyage de Carney comme étant à la fois un effort de redéfinition de sa relation avec les États-Unis, mais surtout une tâche stratégique existentielle pour le Canada qui doit redéfinir de toute urgence ses relations avec les autres grandes puissances du monde. On propose même au Canada d'utiliser ses forces dans l'industrie de l'automobile traditionnelle et de les réorienter afin de devenir un partenaire clé qui pourrait intégrer la chaîne d'approvisionnement de l'écosystème mature des véhicules électriques chinois. On retrouve aussi des lectures très intéressantes de cette visite diplomatique dans les médias du Japon, dont le site Japan Today qui propose une analyse de certaines publications chinoises alors que celle-ci encourage le Canada à devenir plus indépendant des États-Unis quant à son positionnement dans l'arène internationale et de mettre en valeur ce que les Chinois appellent une autonomie stratégique pour le Canada. L'article du Japan Today, rédigé par Ken Moritsugu, conclut cependant en évoquant la fatalité pragmatique du Canada qui doit tout de même vivre avec les États-Unis, non seulement en termes de proximité géographique, mais aussi considérant l'écrasante dominance des intérêts économiques et militaires partagés. Toujours du côté des médias japonais, on trouve en date du 14 janvier, donc toujours avant le début de la rencontre, un texte de Stephen R. Nagy, publié dans le Japan Times. Le professeur Nagy est affilié à l'Institut canadien des affaires mondiales et il est présentement en visite au Japan Institute of International Affairs. Ce dernier se montre excessivement critique face à l'approche précipitée du gouvernement Carney dans sa manière de renouer contact avec la Chine. En plus de souligner le fait que le gouvernement canadien a claironné sur tous les toits depuis des mois qu'il devait diversifier ses partenaires économiques en face des pressions américaines, le professeur Nagy reproche spécifiquement au Canada de ne pas avoir inclus le Japon et la Corée du Sud dans son voyage. Cette absence de rencontre avec les gouvernements du Japon et de la Corée avant de se rendre en Chine révèle, selon le professeur Nagy, une mécompréhension fondamentale de la part du Canada sur la manière dont les puissances moyennes doivent entrer en contact avec la Chine à une époque où la compétition entre les grandes puissances va en augmentant. Pour l'auteur, le Japon et la Corée du Sud représentent pour le Canada des partenaires économiques et politiques fiables qui ont des décennies d'expérience à gérer les hauts et les bas dans leurs relations avec la Chine. Ainsi, en négligeant de les rencontrer avant d'aller en Chine, le Canada se retrouve très mal équipé lorsque viendra le temps de distinguer ce qui ressort des concessions tactiques et des objectifs stratégiques à long terme de la Chine. L'auteur poursuit dans cette veine en rappelant que, sans avoir d'abord consolidé des ententes et des partenariats stratégiques et commerciaux avec ses partenaires asiatiques fiables avant d'entrer en Chine, Carney manque l'élément le plus important de toute négociation productive, c'est-à-dire une alternative crédible. Pour les stratèges chinois, lorsqu'une puissance moyenne comme le Canada cherche à se rapprocher de la sorte, sans d'abord avoir pris le temps de consolider des appuis solides, cela signifie que très peu de concessions seront nécessaires. Bref, c'est un peu comme si le Canada avait mendié sa place auprès de la Chine. Ainsi, pour le professeur Nagy, en consolidant d'abord des ententes économiques et stratégiques avec des partenaires asiatiques fiables comme le Japon et la Corée, Mark Carney serait entré en Chine en position de force et son discours serait alors passé de la supplication actuelle à un véritable dialogue constructif. Parlant de voyage dont on peut avoir l'impression qu'il était précipité, on se tourne tout de suite en musique avec une pièce extraite d'un opéra traditionnel comique de Chao Chou intitulé « Su Liu Niang ». L'extrait que je vous propose de cet opéra s'intitule « Tao Hua Guo Tu », ce qui signifie « La fleur de pêcher traverse la rivière ». Une pièce dont la création remonterait jusqu'à l'époque de la dynastie Ming à la fin du 16e siècle. Voici donc la pièce Tao Hua Guo Tu qui nous propose un voyage assez tumultueux, interprété au Erhu par Chen Tun. Et nous, on se retrouve après la pause.